est là, fidèle au poste avec nous chaque semaine, Joël Constanza, chargé de communication à l'UFC Que Choisir 37. Bonjour Joël. Bonjour. C'est donc l'heure de la chronique conso et aujourd'hui on va parler travaux. Tout à fait, travaux dans le logement, donc de devis et puis aussi, et malheureusement aussi, des retards éventuels dans ces travaux. Oui. Alors commençons par le commencement. Est-ce que le devis est obligatoire ou pas quand on veut faire des travaux? Alors, je vais déjà vous faire une première réponse de Normande. En principe, le devis est facultatif dans une majorité de cas. Mais il est aussi obligatoire dans un certain nombre de cas de prestations, et ce, quel que soit le montant. Et notamment dans le cas de dépannage, de réparation ou de travaux d'entretien dans les secteurs du bâtiment. Qu'est-ce que je dois trouver sur ce devis? Alors, les devis, bien sûr, ils peuvent différer selon le type de travaux. Hein, mais s'il y a devis, celui-ci doit comporter des mentions obligatoires. Alors, je vais essayer de vous les donner, mais attention, il y a une bonne liste. Hein. Alors, d'abord, on se doute bien, il faut la date du devis, le nom, la raison sociale et l'adresse de la société. Pour les artisans, le numéro sirène. Hein. Le nom et adresse du client. Enfin, ça me semble normal. Et la date de début et la durée de la prestation dans le cas de travaux. Le décompte détaillé de chaque prestation et produit en quantité et en prix unitaire. Et ça, c'est très rare de les trouver sur les devis. Le prix de la main-d'œuvre, éventuellement les frais de déplacement, la somme globale à payer hors taxe et toute taxe comprise, en précisant bien sûr les taux de TVA applicables. Et puis, depuis 2021, dans le cas d'un devis pour travaux, eh bien, il y a aussi la gestion des déchets. Hein, combien l'entrepreneur va vous prendre pour évacuer les déchets. Et puis, lorsqu'elle est obligatoire, eh bien, les caractéristiques de l'assurance professionnelle qui a été souscrite au titre de l'activité. Voilà, tout ça doit figurer sur le devis. Et malheureusement, bah, ça ne l'est pas toujours. Alors, TTC, c'est important de le préciser, parce que des fois, ça, on peut se faire carrément avoir. Oui, alors bien sûr, c'est deux lignes, hein, donc il faut faire attention. La première, c'est hors taxe. La deuxième, c'est toute taxe comprise. Et bien sûr, le taux de TVA qui diffère selon les travaux. Est-ce que le devis est gratuit? Alors, le devis, en principe, c'est gratuit. J'ai beaucoup de principes ce matin. Mais un artisan a le droit de proposer des devis payants, bien sûr, en cas de déplacement. Hein. Mais bien sûr, il doit vous en informer auparavant du prix à payer. Et puis aussi, parfois, ça se fait, hein, le professionnel, quand il fait payer son devis, ben, il propose aussi de déduire son montant de la prestation qui sera fournie après. Alors, une fois signé, est-ce que je peux changer d'avis? Alors là, non. Non. Parce qu'une fois la mention « bon pour travaux » manuscrite sur le document daté et signé par le client et le professionnel, hein, eh bien, ce devis se transforme en véritable contrat. Donc, comme un contrat, il engage les deux parties. Hein. Le professionnel s'engage à faire les travaux mentionnés dans le devis et le client, lui, s'engage à payer les dits travaux. Hein. Ça, c'est très important parce que souvent, on entend des gens qui disent « Oh, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un devis. Si après, vous n'êtes plus d'accord, on le déchire. Ouais. » Non. Un devis, c'est un contrat. Et un contrat doit être respecté. À partir du moment où on appose une signature, on s'engage des responsabilités. On s'engage, tout à fait. Et mais si jamais les prix des matériaux augmentent, est-ce que le devis, il augmente aussi? Alors, ça dépend. Si le devis prévoit une clause de révision des prix pour justement tenir compte d'éventuelles modifications, hein, du prix des pièces ou des matériaux, eh bien le consommateur devra régler les travaux sur la base du prix modifié. Mais si le professionnel n'a pas prévu cette clause de révision, hein, ou qu'il veut justement ajouter une étape, eh bien il devra établir alors un avenant qu'il soumet au client pour acceptation avant travaux. Alors, faute de quoi, hein, le client n'est pas obligé de régler le supplément. Et par ailleurs, le professionnel doit utiliser uniquement aussi hein, les matériaux mentionnés sur le devis. Hein, au dernier moment, il ne va pas vous dire « bah non, en fait, j'ai changé les carreaux que je vous avais proposés ». Non. C'est le matériel qui est marqué sur le devis. Que tout soit bien conforme d'un côté comme de l'autre. Bon, alors, le devis est signé, mais les travaux ne commencent pas. À quel moment on parle de retard dans les travaux d'un logement? Bon, eh bien là, je vais vous faire encore, pour la deuxième fois, une réponse de Normand. Hein. Ça dépend. Alors, en principe, le professionnel doit clairement communiquer, je l'ai dit, hein, la date ou le délai auquel il s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. Hein, ça, c'est la loi. Donc, si le devis mentionne une date ou un délai de réalisation des travaux, bah, le constructeur est tenu de respecter le délai contractuellement déterminée. Hein. Et bien sûr, le retard est caractérisé si les travaux ne sont pas terminés dès le lendemain de la date ou la fin du délai de réalisation des travaux mentionnés sur le devis signé, justement. Et si jamais il n'y a pas de date ? Alors, s'il n'y a pas de date ou de délai prévisionnel d'achèvement des travaux hein, fixé dans le devis, bien, le retard commence 31 jours après la signature de devis. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le code de la consommation qui le dit. Il y a quand même des cas dans lesquels le retard du professionnel est justifié ? Oui, alors, bien sûr, hein, il y a quand même des cas de force majeure. Mmh. Par exemple, une intempérie exceptionnelle, un sinistre empêchant la poursuite du chantier, hein, une inondation, une tempête, un incendie, ça me semble normal. Ça justifie un minimum, bien sûr. Par contre, la pluie à la saison automnale ou hivernale, la pluie n'est pas un motif suffisant pour justifier le retard parce que normalement, le professionnel, si c'est un bon professionnel, il doit l'avoir intégré ce facteur météorologique dans le calcul prévisionnel de la durée de ses travaux. Bien. Alors, quels sont nos droits, Joël, face à un retard injustifié dans les travaux ? Alors, en cas de retard, injustifié, on vient de le dire, alors, dans un premier temps, vous devez mettre en demeure le professionnel de débuter, éventuellement, ou de reprendre les travaux dans un délai supplémentaire raisonnable. Tout cela, il faut vous préciser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ça, c'est le mieux. Faute d'exécution des travaux dans ce délai supplémentaire, vous pouvez alors rompre le contrat selon toujours les mêmes modalités que la mise en demeure, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Alors, il est même possible d'exiger des pénalités de retard ou des dommages d'intérêt si vous apportez la preuve d'un préjudice. Ça, c'est possible aussi. Et alors, à qui dois-je m'adresser pour m'aider à faire valoir mes droits ? Alors, bien sûr, vous pouvez contacter une association de consommateurs, la nôtre, par Julien exemple. Julien Courbet. Non, je ne vous conseille pas, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Une association de consommateurs, donc, pour connaître vos droits de consommateur et puis surtout les devoirs du professionnel. Il est possible aussi de faire appel à un médiateur professionnel ou un conciliateur de justice pour une résolution à l'amiable du litige. Il faut toujours mieux préférer des solutions à l'amiable. Alors, cette étape, de toute façon, elle est obligatoire et c'est un préalable obligatoire à une action en justice pour un litige inférieur à 5 000 euros, de toute façon. Et il y a souvent la possibilité aussi de rencontrer des conciliateurs via les mairies, dans les communes, des permanences. Oui, tout à fait, il y en a, donc n'hésitez pas. Surtout, ne restez jamais seul face à un professionnel. Faites-vous aider. Parce que c'est vrai que nous rencontrons souvent à l'association des gens qui sont dans des mouises pas possibles pour des retards de travaux, qui ont déjà des prêts, par exemple, des remboursements de prêts qui commencent alors qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur maison. Enfin, il y a des cas terribles. Donc, ne restez pas seul, faites-vous aider, surtout. Merci beaucoup, Joël, comme d'habitude, pour tous ces bons conseils en matière de consommation. La semaine prochaine, on parlera, je crois, des espèces exotiques envahissantes. Oui, tout à fait. Sujet intéressant également. Sujet intéressant. À la semaine prochaine, Joël. À la semaine prochaine.